mois convulsif touche à sa fin. Et la brise douce effleure mes paumes. Tu m'écris pour officialiser ton chemin. Oui, j'ai juré de t'appuyer même dans mes baumes. Une pluie intérieure ne cesse de tomber. Elle mouille mes lèvres frémissantes. Ma détresse m'écrit aujourd'hui résignée pour demander ma signature vacillante. En échange, tu dis que tu m'enverras mes livres, ce que j'ai rassemblé à Philadelphie, que j'ai fait grandir à Porto et Londres ivre, 1000 volumes abandonnés en France sans défi. Enfin, j'ai signé ma peine sur cette feuille, celle qui rendrait à ton cœur sa liberté, que le juge t'avait refusé comme une orgueil, me condamnant à un mariage d'oubli et d'hostilité. Et moi qui t'ai donné mon âme fanée, je suis retombé dans ma dévotion aveugle. Mes livres ne sont jamais arrivés volés, une poétesse américaine